On va parler pas mal de Normandin aujourd'hui. Des belles annonces la semaine passée avec le maire de Normandin concernant la réfection de l'aréna. Mais là, il y a un autre projet qui a vu le jour cette année à Normandin. C'est l'équipe de basketball. Et ils viennent de terminer tout juste leurs activités. Question de savoir un peu comment ça s'est passé. C'était la première année. On en parle avec celui qui est pas mal impliqué dans le sport à Normandin, François Potvin. Salut François. Oui, bonjour. François, ça a été la première année d'une équipe de basketball à la polyvalente de Normandin. Comment ça s'est passé? Je l'ai lu sur les médias sociaux. Ça semble ça être quand même très bien passé, là. Oui, on a eu. C'était la première année à la polyvalente. Ça faisait quelques années là qu'il y avait des initiatives là, dans le secteur d'Albanel, puis on a eu un peu de Normandin là, au mini-basket dans le cadre du primaire. OK. Puis là, ça l'a coûté, puis ça leur a amené une équipe au secondaire là, de basketball là, dans le réseau du sport étudiant. C'est une première pour les polyvalents de Normandin, là, une équipe de basketball dans le réseau. Les résultats, écoute, ça a été hautement au-delà de nos espérances, puis de mes espérances. C'est une première dans un réseau établi. Donc, on avait quand même établi des bonnes attentes, mais pas aussi hautes. Là, on a terminé là, avec une belle saison. On a En fin de saison, là, je le faisais remarquer à mes jeunes, là, on a terminé nos 7 derniers matchs, 6 victoires, une défaite. On est allé battre la seule équipe qui avait eu aucune défaite, le Séminaire de Chicoutimi, qui est une très bonne équipe. On les a battus par 22. Puis au championnat régional, là, au championnat de fin de saison, je veux dire, là, on a terminé 3e position et on a remporté la médaille de bronze. OK. Mais créer un programme, c'est pas facile. Est-ce que tu as eu quand même une belle complicité avec le milieu? Est-ce que le milieu a quand même collaboré à la création de ce programme-là? Je vous dis que tu sais, on est vraiment au premier balbutiement du programme, ça c'est sûr. Le fait qu'il y a eu déjà des équipes de mini-basket, ça l'a aidé énormément. OK. C'est la première base, là. Ça, c'était la première base de jeter. Puis ça a été bien là, que les écoles primaires du secteur embarquent, en espérant qu'ils continuent aussi. Puis pour ce qui est là, c'est sûr que dans le réseau étudiant, on a quand même des appuis. Les infrastructures sont là, les ressources sont là, ça va quand même bien. Là. C'est sûr que c'est toujours un combat, si on veut. Ben oui. Faut garder les joueurs, faut se garder les joueurs l'année prochaine, faut réussir à garder un noyau, faut intéresser les jeunes, faut intéresser ceux qui sont près de ça. Fait que c'est toujours à travailler, mais la première base est faite, puis on a quand même eu des bons résultats. Fait que j'ai confiance là, qu'on puisse là, continuer dans notre année 2. On s'entend que ça va être charnière, là. C'est jamais gagné si on veut ben dans oui. le milieu. Mais OK. Comment que ça a été le recrutement? En recrutement, c'est sûr qu'on fait pas des camps d'entraînement. Je me souviens quand j'étais jeune, ouais. Dans les polyvalentes, où on était nerveux à savoir si on allait être coupé. Oh oui, c'est sûr, mais. Si on allait faire l'équipe. Ici, c'est pas le cas, c'est le contraire. Là, on dit, hey, toi, ça te tenterait pas de jouer au basket, viens-t'en. Fait que, tu sais, ça a été. Mais on a quand même eu un bon noyau. Au début, là, on a eu quelques ajustements à faire, mais après ça, là, on s'est ramassé que j'ai fini l'année là, avec 12 joueurs là, qui sont tous prêts à revenir l'année prochaine. Ils ont travaillé fort. Tu sais, je leur ai dit, d'entrée de jeu, si on veut avoir des bons résultats, il faut travailler fort. Mettons que je leur en ai demandé pas mal, puis okay. Ils ont répondu, puis ils l'ont donné. Fait que ça, là, on a eu des joueurs motivés, on a eu des joueurs crinqués, si on veut, c'est presque l'expression, mais ils ont embarqué dans le game. Là. C'est ça qui a été plaisant. Là. OK. Est-ce que c'était. Est-ce que je veux dire. Parce que le basketball, c'est quand même pas très populaire. On aime ça tous. Là, moi, t'aimes ça. Oui, dans sa cour, jouer dans la cour durant l'été, tout le monde aime ça. Là, mais ouais, mais je veux dire, là, tu fais partie d'une équipe. C'est ouais, c'est ça. C'est-tu quand même pas pire? C'est-tu là-dessus? Oui, c'est surprenant. OK. C'est quand même surprenant. C'est dans le fond, c'est de faire comprendre aux jeunes et de leur démontrer que c'est pas bien plus compliqué. Tu sais, tous les jeunes aiment ça jouer dans leur cour durant l'été, lancer le panier qui est accroché après le garage, des choses comme ça. Il faut leur faire comprendre, il faut les amener à ce que. Jouer dans un sport établi, c'est encore bien mieux. C'est encore bien plus le fun. C'est accessible aussi. Souvent, c'est ça qui est le problème. Des jeunes, on parle, on a commencé avec des jeunes de secondaire 1, secondaire 2. C'est souvent ça, tu sais, c'est pas pour moi, c'est pas pour toi, je suis pas un athlète. Mais non, tu sais, on va le travailler, ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment de travailler sur le fait que c'est accessible. Là. C'est le temps, je veux dire, c'est le meilleur temps pour des jeunes de secondaire de pratiquer des sports, d'essayer des choses pour voir. Le temps est là, là. OK. Ben, c'est sûr, c'est clair, c'est clair. Là, comment tu vois ça, la suite des choses? T'as-tu un noyau intéressant? Est-ce que ça, c'est quand même... Oui, c'est un très bon noyau. J'ai des, pour l'avenir, ça j'ai dit des quoi, très là? Bons puis, athlètes, là? Ouais. Autant en secondaire 1 qu'en secondaire 2. Dans le meilleur des mondes, on travaille là déjà les objectifs. L'année prochaine, on essaierait d'avoir deux équipes. On aurait une équipe oh. cadette, okay. en secondaire 2-3, puis une équipe Benjamin encore, secondaire 1-2. Il faudrait recruter encore quelques autres joueurs. On regarde vers ça, ça serait super intéressant. Sinon, on va garder une équipe qui va être cadette. Là. Je vais faire monter des joueurs là, de Benjamin vers le cadet. Mais non, moi j'ai l'impression, puis surtout, c'est plate, c'est le fun. Mais quand on a des bons résultats, c'est la loupe, la loupe est souvent une autre. Fait que moi, je me dis que les autres jeunes... Bon, peut-être se dire, oh, il se passe quelque chose ah, au basket. Fait que peut-être ça va nous intéresser pour l'année prochaine, du moins, j'espère. Ouais. OK, OK. C'est ça l'idée là, pour l'année prochaine. Là. OK. Ben, déjà, la première année de cette classée 3e, c'est exceptionnel. Là. Ah, oui, c'est unanime là, pour dans notre ligue. Là, tout le monde était unanime là, qu'on avait eu des résultats au-delà des attentes. Ben oui. Personne ne nous voyait, on s'entend. Là. Quand tu es une équipe de Chicoutimi dans le sport-études, puis tu vois arriver de la polyvalente de Normandin, l'autre bout du lac, on connaît les préjugés. Hein? Ah, c'est clair. Est-ce que la cité étudiante, est-ce qu'il pourrait y avoir une équipe à cité étudiante ou à la polyvalente 80? Question évidemment d'aider au développement. Là. 80, ils ont un programme de basket là, depuis quelques années, ils sont revenus. Ça a été fort. Ouais. Le basket, là, moi, je me souviens que je suis arrivé dans la région là, à la fin des années 90. Il y avait du gros basket à Saint-Lucien et à Robertval. Mm. Tu avais des grosses équipes. Saint-Lucien ont remporté plusieurs championnats régionaux. Mm. Puis à un moment donné, ça s'est ralenti un peu. Saint-Lucien ont recommencé récemment. Ils ont deux équipes là, depuis quelques années. J'ai su que c'était étudiant, c'est étrange, mais il n'y en a plus non plus. Sport étudiant, ça va aussi selon les intérêts. Hein, les combats, c'est sûr, c'est cyclique. Ils sont motivés à vouloir y aller. Okay. J'ai espoir, moi, que... Si, c'est ça, c'est toute question de popularité. Fait que si il commence à y avoir un peu de basket dans le nord du lac, peut-être que ça va donner l'idée. T'sais, c'est une question de frais de déplacement. Ben oui. Quand tu calcules, puis comme nous autres, on s'est ramassés, on jouait une game sur deux au Saguenay. Là. Mm. Fait que c'est. Ah non, c'est plus cher. Ça permet moins de frais de déplacement dans des équipes à proximité, c'est plus facile à convaincre les directions. Là. OK. Ben, François Potvin, un gros merci. En passant le baseball, comment ça va le baseball? Là? Puisque là, on s'en va vers la glace, la fonte des neiges. Ça fait longtemps qu'on espère une petite ligue de baseball. Est-ce que je sais que tu es impliqué dans le baseball à Normandin. Est-ce qu'on a des chances de voir ça à Normandin? Là? Et également dans le Haut-du-Lac? On s'y est toujours au courant. Je pense pas là, qu'on puisse parler d'une ligue en tant que telle comme on l'avait déjà souhaité et comme on s'était déjà parlé pour cette année. Je sais que là que ça y a beaucoup de bruit du côté de Robertval qui aurait une équipe cette année pour jeunes. Là, pas mal mes contacts là, m'ont donné des informations pas mal précises. On suit ça de très proche là, pour essayer d'organiser le plus de parties cet été. Là. Okay. J'ai encore là, un autre bon noyau de joueurs aussi qui ont hâte aussi. Là. On suit ça de près et on lâche pas. Là. Ben, François Potvin, un gros merci et on se reparle de nos tentatives. N'importe quand. Il a instauré le basketball à Normandin, François Potvin.